بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنكمل الكلام في حديث أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليرفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. On continue aujourd'hui le hadith de Abi Sa'id qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsque l'un d'entre vous prie vers quelque chose qui le cache des gens, donc ce qui est voulu ici, une sutra, et qu'une personne cherche à passer juste devant lui alors qu'il le repousse, et si celui-ci refuse alors qu'il le combatte, car certes celui-ci est un diable. Celui-ci est un diable. Ra'ayna ma yata'allaqu bi daf'i al-mar bayna yaday al-musalli wa annahu mashru'un in salla al-musalli khalfa sutratin. On a vu donc lors du cours précédent ce qui concerne le fait de repousser celui qui veut passer juste devant Al-Musalli, celui qui fait la prière. Et on a vu que cela est légiféré si celui qui fait la prière, il prie derrière une sutra, comme cela est cité dans le hadith. ثُمَّ إِنِ اسْتَمَرَّ الْمَارُّ وَأَرَادَ الْمُرُورُ بَعْدَ الدَّفْعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلْيُقَاتِلْهُ. Et donc ensuite, si cette personne qu'on repousse, elle cherche encore à vouloir passer devant, juste devant toi pendant que tu pries. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alors qu'il le combatte. Fait qu'on la barde ou ahli l'ilmi, bijawaz il muqatalati li annahu zahirul hadith. Alors certains des gens de science, ils disent qu'il est permis de combattre réellement, car c'est ce qui est apparent dans le hadith. Wali shaykh il najmi, et le Cheikh Al-Najbi, il a une très belle parole concernant ce sujet. Il dit: جواز المقاتلة بدفع أشد من الدفع الأول. Il dit: la permission de combattre, ce qui est voulu par là, c'est le fait de repousser, mais d'une façon qui est plus forte que la première fois. كما فسره فعل الراوي في صدر هذا الحديث عند البخاري. De la même façon que l'acte du rapporteur du hadith, le compagnon qui rapporte ce hadith, il a eu un acte, il a eu des agissements qui vont expliquer cela, qui vont expliquer cette argumentation du cheikh. Ces agissements qui étaient au début du hadith dans Al-Bukhari. Ensuite le cheikh, il nous résume ce qui s'est passé. Il nous dit wa hasil al-qissa. Le résumé de cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans ce hadith? أن أبا سعيد كان في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بينه أو أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ودخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد فدخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث. Et donc le résumé de l'histoire, c'est que Abu Sa'id radiallahu anhu, il priait durant un vendredi. Et il priait en direction de quelque chose qui le protégeait des gens, donc une sutra. Et un jeune a voulu passer juste devant lui. Alors Abu Sa'id l'a empêché, il l'a repoussé. Il l'a repoussé au niveau de sa poitrine. Au niveau de sa poitrine. Alors le jeune, il a regardé. Et il n'a pas trouvé un autre passage que devant Abu Sa'id. Alors il est retourné pour repasser devant Abu Sa'id. Et là, Abu Sa'id l'a repoussé, mais d'une façon qui était plus forte que la première fois. Donc là, ce qui est cité, c'est qu'Abu Saïd l'a repoussé d'une façon qui était plus forte que la première fois. Il ne l'a pas combattu. Ensuite, cet homme, il allait se plaindre auprès de Marwan. Abu Saïd, il est rentré derrière. Et donc, Marwan qui a demandé à Abu Saïd, « Meleka walibni akhik ya Abu Saïd. Que se passe-t-il entre toi et le fils de ton frère, ô Abu Saïd ?» Alors, c'est là qu'Abu Saïd a dit, « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à dire. » Et là, il a cité le hadith. Et là, il a cité le hadith. Fin de citation. إذن أبو سعيد لم يفهم من الحديث ظاهر المقاتلة. Et donc Abu Saïd, il n'a pas compris de ce hadith que il faut combattre réellement. Il n'a pas compris cela parce que ce n'est pas ce qu'il a fait. وأنتم تعرفون أن راوي الحديث أعلم بحديثه من غيره. Et certes, vous connaissez que le compagnon qui rapporte un hadith, il connaît mieux ce hadith qu'il rapporte que les autres. Et donc ça, c'est important pour comprendre le hadith correctement. Et Cheikh An-Najmi, rahimahullah, après cela, il parle et il dit « فَلَمْ يُصِبْ مَنْ حَمَلَ الْمُقَاتَلَةَ عَلَى ظَاهِرِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَنَافَ مَعَ خُشُوعِ الصَّلَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ » Et le Cheikh An-Najmi, rahimahullah, il dit donc, la paire, ceux qui ont compris de cela qu'il faut réellement combattre durant la prière, ceux qui ont dit cela n'ont pas vu juste. Car cela est contraire avec le khushu' dans la prière et Allah Ta'ala est plus savant. Fin de citation. Wa fil hadith, qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam falyuqatilhu fa innama huwa shaytan. Dans le hadith, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il le combatte, car certes c'est un diable. Certes c'est un diable. فأهل العلم فقال أهل العلم إن من فعل ذلك ففعله فعل الشياطين. Les savants, ils disent que celui qui fait cela, il a accompli les agissements des diables. Celui qui veut passer derrière la prière, celui qui veut passer devant son frère comme ça et qui force le passage alors que son frère il prie, il accomplit ici les agissements des diables. من التشويش على المصلي وقطعي عمل خيري. Dans le fait que cette personne, elle va déranger le prieur et elle va donc rompre un acte de bien. Et donc toute personne qui fait cela, qui va empêcher aux gens de faire du bien, qui va les déranger pendant qu'ils font du bien, les savants, ils disent que cette parole, elle s'applique sur eux. وقد تطلق كلمة شيطان على من كان بعيدا من الخير. Et le mot شيطان, ce mot-là peut être utilisé pour toute personne qui est loin du bien. Il est loin du bien, il ne fait pas de bien. Il est loin du bien. كما في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان الراكبان شيطانان والثلاثة ركبون. Et donc, comme dans le موطأ de l'imam Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-Rakibu Shaytan. Ar-Rakibu ici, c'est. Qu'est-ce qu'il a voulu parler le mot Ar-Rakib? Hein? Al-Musafir. Celui qui est en voyage. Les savants, ils disent qu'il soit sur une monture ou qu'il soit à pied. C'est la même. Parce que le mot Ar-Rakib, normalement, on l'utilise pour celui qui est sur une monture. Et Ibn Abd al-Barr, il dit ce qui est voulu ici, c'est qu'il soit sur une monture ou qu'il soit à pied. Il a le même jugement. Et donc, celui qui est tout seul en voyage, c'est un diable. Ceux qui sont deux, ce sont deux diables. Trois, ce sont des voyageurs. Rakboum. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il nous dit dans son livre At-Tamhid, Ma'na shaytan hahuna, al-ba'id min al-khayri fil unsi wa rifqa, wa hadha aslu hadhihi al-kalimah. Et donc il nous dit, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, la signification du mot shaytan ici, c'est celui qui est loin du bien, dans la sociabilité, la douceur. Et c'est ça la base de ce mot dans la langue. Fin de citation. C'est ça la base de ce mot shaytan, celui qui est loin du khayr. ولا ننسى أن الله تعالى جعل من الشياطين من هو من جنس البشر ومن هو من جنس الجن. Et on n'oublie pas que Allah Ta'ala il a placé parmi les shayatin, parmi les diables, ceux qui font partie des hommes et ceux qui font partie des djinns. Allah Ta'ala qui nous dit wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Et de cette façon, nous avons accordé à chaque prophète des ennemis parmi les diables, des diables parmi les humains et parmi les djinns, qui vont s'insuffler mutuellement et de façon trompeuse des paroles enjolivées. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a placé les shayatin parmi les hommes et parmi les djinns. ونحن نكتفي بهذا القدر وغدا بإذن الله تعالى نكمل الباب. Et donc on se suffit de cela pour ce soir parce que le cours est un peu tard, et demain inchallah on finit le sous-chapitre. وفق الله الجميع جزاكم الله خيرا.